Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, les jeux vidéo, c'est la vie. Une série d'Antoine Tricot réalisée par Rafik Zénine. Au départ de cette série, il y a un documentariste qui joue et une certaine fatigue face aux discours alarmistes. Il y a l'envie de raconter des histoires, de s'amuser et de ne pas passer à côté d'un loisir devenu patrimoine à part entière et auquel s'adonnent tout de même les trois quarts des Français. Et puis, il y a ceux dont jouer devient le métier. Alors pour commencer, les personnages. Un joueur pro, une joueuse de compétition, une streameuse hyper connectée, un superviseur en réseau, un joueur engagé et une équipe qualifiée. Ensuite, le décor. League of Legends, des tournois, Twitch, du stream, des webcams, des trophées, des ordinateurs, des cartes, l'auto-entrepreneuriat et des jeux de combat. Aujourd'hui, troisième épisode, c'est l'heure du match. Les jeux vidéo, c'est la vie. Aujourd'hui, jouer, c'est un métier. Antoine Tricot et Rafik Zénine. Alors, ce que je vous propose, c'est de donner tout ce que vous avez pour une succession de Let's Go G2 qui vont vous permettre de balancer le casse français. Let's Go G2. Là, vous vous tournez tout seul, on est parti, on arrive. Ce que vous entendez, c'est la finale des championnats du monde de League of Legends. Un jeu vidéo. 15 000 personnes se pressent dans les gradins de Paris-Bercy, chauffés à blanc. Les billets se sont vendus en quelques minutes et des millions de personnes regardent le direct sur Internet, sur des plateformes de streaming. L'événement est historique. Cette année, une équipe européenne, G2, G2, est parvenue en finale. C'est la première fois depuis l'année de la création de la compétition en 2011. La très grande majorité du public leur est acquise et ils le font entendre. En face, la révélation de ce tournoi. L'équipe chinoise Fun Plus Phoenix. Pour les 10 jeunes hommes sur la scène qui s'apprêtent à commencer le match derrière leurs ordinateurs, les jeux vidéo ne sont plus un loisir, mais un métier. E-sportif, coach, caster, streamer, influenceur, toute une série de professions nouvelles accompagnent le dynamisme de l'industrie vidéoludique dont le chiffre d'affaires mondial avoisinait les 120 milliards de dollars en 2018. Mais derrière les feux de la rampe et les succès économiques de certains, la réalité n'est pas toujours aussi rose pour les joueurs et joueuses professionnels. L'Oppo, ça y est, ça a commencé, les premiers affrontements sur la carte. Est-ce que pour les auditeurs, vous pourriez décrire un petit peu à quoi ressemble le jeu ? C'est une carte stratégique avec une vue de dessus. Et donc les 10 joueurs qui évoluent via leurs avatars, donc leurs champions, sur la carte. La carte est divisée en 3 voies principales, avec ce qu'on appelle la jungle entre ces voies. Et là, sur le plan de jeu des premières minutes, on voit que la carte pour le moment est littéralement coupée en deux, mais verticalement, pas horizontalement habituellement. Donc on a deux équipes qui jouent de façon extrêmement agressive en fait. Je suis Glopo, j'ai 28 ans et je suis commentateur de League of Legends. C'est un jeu de stratégie en temps réel, d'équipe, donc à 5 contre 5. Et l'objectif c'est de détruire la base de l'adversaire en coopérant et en usant des stratégies. Donc il y a 10 joueurs au total dans la partie. Chacun des joueurs choisit un champion qui a des capacités, des attributs qui lui sont propres. Et bien évidemment, il faut choisir des champions qui fonctionnent bien entre eux pour avoir une synergie d'équipe et une stratégie qui fonctionne. La clé pour vraiment être un bon joueur, c'est de réussir à être le plus efficace possible avec le moins de ressources possible. C'est-à-dire atteindre des pics de puissance de la façon la plus rapide et la plus efficace pour prendre de vitesse son adversaire, tout simplement. Quel que soit le sport ou l'e-sport, Il y a des codes, il y a des règles, il y a des choses qu'il faut comprendre, il faut s'intéresser au jeu vidéo, pour pouvoir entrer dedans. C'est pas forcément évident pour quelqu'un qui connaît pas le foot de comprendre ce qui nous passe en profondeur, de comprendre ce qu'est un débordement, de comprendre pourquoi là c'est un 6 mètres, pourquoi là c'est un coup franc, pourquoi là c'est un penalty. Ce sont les règles du jeu qu'il faut connaître, et comme dans n'importe quel domaine, si on s'y intéresse, ça rentre tout seul. Kayane, vous êtes joueuse de jeux vidéo professionnels, vous jouez à des jeux de versus fighting, vous avez 28 ans aujourd'hui et vous avez quasiment une carrière déjà d'une vingtaine d'années. Comment en êtes-vous arrivée à même pas 10 ans à vous inscrire à des compétitions de jeux vidéo ? J'ai eu la chance d'avoir deux grands frères de 7 ans et 11 ans de plus que moi qui ont commencé les jeux de combat aussi très jeunes et qui étaient déjà des champions sur le jeu de combat Tekken. Et moi, j'étais beaucoup plus fan d'un jeu qui s'appelle Soul Calibur, qui est sorti sur Dreamcast quand j'avais que 7 ans, et d'un autre jeu de combat qui s'appelle Dead or Alive 2. Et mes frères se sont dit à un moment donné, ah bah, elle arrive à battre les copains qui jouent sérieusement, on va l'emmener en tournoi. Et c'est comme ça qu'à 9 ans, j'ai fait mon premier tournoi. Et c'était comment l'impression que vous avez eue lors de votre premier tournoi ? C'était pas du tout l'envergure que ça a aujourd'hui, hein. On parle de l'année 2001. Et lorsque je suis arrivée, vraiment, les joueurs se disaient « Mais qu'est-ce que fout une gamine ici, quoi ? Pourquoi elle n'est pas en train de jouer à la poupée ? Une fille, ça ne joue pas aux jeux vidéo, et encore moins un enfant. » Et à ce tournoi-là, j'ai terminé vice-championne de France. Et seul mon adversaire, seul le finaliste, en fait, m'a respectée. C'est-à-dire qu'il m'a serré la main. Il n'a pas du tout fait attention au fait qu'il jouait contre une fille, que je sois un garçon ou une fille, c'était la même chose pour lui. Et à la fin, il m'a dit bien joué. C'était le seul. C'était vraiment le seul. Et c'est là que je me suis dit, bon, j'ai été déçue par tous les autres, mais je pense qu'il y a d'autres joueurs qui sont plus respectueux. Et du coup, j'ai continué. En 2010, lorsque j'ai participé à l'Evo féminin sur Street Fighter 4, c'était le seul tournoi féminin auquel j'ai participé. Et je me suis dit que j'avais vraiment la possibilité de gagner, parce que je fais partie des joueuses qui ont le plus d'expérience. Sauf que le tournoi, il se déroule à Las Vegas. C'est vraiment difficile pour une fille de 18 ans, même 19 ans, de voyager toute seule, d'être seule contre tous et de ne pas avoir de soutien sur place. Et c'était un gros challenge pour moi d'arriver à aller à ce tournoi-là, parce que c'est vraiment le plus gros tournoi au monde de jeux de combat. Il y a des milliers de joueurs sur place, il y a des centaines de milliers de personnes qui regardent en streaming, en direct, pendant qu'on joue à Las Vegas. Et j'ai réussi à gagner ce tournoi-là. Et en fait, ça a été vraiment un déclencheur de carrière, parce que c'est la première fois que je gagnais un tournoi à l'étranger. Et beaucoup de joueurs me connaissaient pas forcément, ils connaissaient pas ma carrière sur Soul Calibur. Et donc là, ils m'ont découverte avec Street Fighter. Et quand j'ai gagné ce tournoi-là, j'ai eu beaucoup d'opportunités de sponsors, d'équipes de joueurs professionnels qui voulaient me recruter. Et là, j'ai vraiment beaucoup gagné en visibilité pour envisager par la suite d'en faire une carrière. Kayane, c'est donc à 18 ans que vous avez décidé d'être professionnelle, ou vous aviez déjà l'idée avant ? En fait, j'ai pas du tout eu l'idée avant. Quand je jouais plus jeune, je jouais vraiment par passion. Je me disais pas que j'allais en faire une carrière du tout. Et même mes parents me disaient que ce serait pas du tout une bonne idée de carrière, qu'il n'y a pas d'avenir dans le jeu vidéo, et que je devais me concentrer sur mes études, ce que j'ai complètement fait. D'ailleurs, j'ai fait une école de commerce, je suis diplômée d'un Master 2, et en fait, ils m'ont vraiment mis dans la tête que je pourrais jamais en vivre. Et à un moment donné, dans ma carrière, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Julien, qui m'a vraiment dit, tu pourrais en vivre en fait, et il suffit de démarcher des sponsors, de démarcher des entreprises qui ont besoin de représentants comme toi, des joueurs, des joueuses qui doivent représenter leur marque rien qu'en jouant. Et je me suis dit, mais bon, on peut me payer pour ça, c'est pas croyable. Et j'en vis complètement aujourd'hui. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Nathalie ? J'ai juste fait un tweet pour prévenir en plus les gens qui peuvent me suivre sur Twitter que je vais bientôt lancer un live et du coup je leur ai mis le lien. Comme ça, la bonne nouvelle, c'est qu'ils voient le tweet, ils ont juste à cliquer dessus et hop, ils se retrouvent sur ma page Twitch. Et voilà, et là comme ça, le live est lancé, j'ai fait des annonces un peu partout, genre bah, sur tous mes réseaux, genre sur Twitch, et on a juste à attendre un petit peu et les gens devraient commencer à arriver. Comment ça se présente une page Twitch ? Ça ressemble beaucoup à un blog avec une vidéo au milieu au final. La façon la plus lambda effectivement qu'on voit le stream, c'est il y a quelqu'un qui joue. Des fois il y a sa webcam à lui devant, donc on a un petit carré effectivement dans un coin de l'écran où on voit la personne qui parle et tout ça, mais c'est même pas obligatoire. Des fois il y a des gens qui mettent même pas de webcam. Et mais voilà, le plus important en général, oui, c'est soit de voir leur jeu, soit de voir bah le décor dans lequel ils sont, si jamais ils font autre chose que du jeu vidéo. Salut Valdoran. Voilà, là il y a des gens qui viennent d'arriver, qui ont peut-être vu les annonces à droite ou à gauche. En gros, le moyen principal pour communiquer sur Twitch, c'est d'écrire dans le chat. Et ils peuvent vraiment écrire tout ce qu'ils veulent dans les limites des règles imposées par Twitch et par les streamers eux-mêmes et leurs modérateurs. Des bénévoles en général, ou des gens qui sont volontaires pour aider, ou des gens qui sont là depuis très longtemps et à qui on fait un minimum confiance. Mais il y a aussi des streamers qui modèrent leur chat eux-mêmes. Là, je peux bannir Fitzgoon parce qu'il a dit bonjour. Ou alors, je peux le bannir temporairement. Il va pas être content. Voilà. On ne va pas le faire, évidemment, mais on pourrait. Il le mérite pas. Voilà, il a juste dit bonjour, ça va, il est gentil. Et on a encore plus d'alertes, je vais peut-être baisser un tout petit peu le son, mais... Donc là, en gros, les alertes qu'on entend, c'est pour me dire que quelqu'un vient de me suivre, donc qu'il s'est abonné à ma chaîne. En général, les gens choisissent, ils peuvent payer entre 5, 10 ou 20 euros, je crois, par mois. Et en gros, en faisant ça, l'argent est envoyé au streamer, et en échange, ils gagnent des petites émotes qu'on trouve sur aucune autre chaîne, par exemple. C'est un petit peu comme si on avait un petit badge sur son manteau en disant « je suis abonné à telle personne » et c'est un badge unique qu'on peut pas avoir avec quelqu'un d'autre en l'occurrence. Peut-être on peut demander aux gens du chat pourquoi vous vous abonnez en fait à la chaîne. Alors il y en a qui disent qu'ils ne sont jamais sub à aucun, mais il n'y a pas de souci. Parce qu'ils t'aiment. C'est beau. Parce que j'aime le taf produit et qu'il faut encourager ce genre de création. Voilà, on a eu notre première vraie réponse. Merci. Merci Arcané. Tout travail mérite salaire aussi. Voilà, c'est beau. Mais après, c'est vrai que le stream, en fait, c'est une de ces nouvelles professions d'Internet dans le même genre que les vidéastes sur YouTube, que sûrement beaucoup d'autres choses que j'oublie, mais c'est quelque chose qui, à la base, est complètement gratuit et offert à tout le monde. Genre, tout le monde peut regarder une vidéo YouTube, en théorie. Et en fait, la seule chose qui va vraiment être importante, c'est qu'à partir du moment où les gens décident d'en faire leur métier et de vraiment investir leur temps dessus, s'il n'y a pas un soutien monétaire derrière, c'est impossible. Ouf! Et ben là, par exemple, j'ai un viewer qui a donc offert 5 abonnements aux gens de la chaîne. Donc, en gros, c'est une nouvelle fonction qui arrive, c'est que vous pouvez décider de payer pour les autres. Donc, merci beaucoup, Valdoran, pour les 5 subs offerts et bienvenue à Gimli, c'est ça. Bienvenue à Killkid, bienvenue à Lolonio, à Arcoasis et à Sifiri. Ben, bienvenue dans le Natriarcat. Je regarde beaucoup de personnes jouer à des jeux vidéo sur Internet, de stream comme on dit. Cela a commencé lorsque j'ai joué au jeu de cartes virtuel Hearthstone. Je ne comprenais pas grand-chose et j'ai cherché des vidéos pour progresser. L'équipe de streamers que j'observe depuis s'est installée dans la zone industrielle de Tours, dans les locaux de l'entreprise Solari, créée il y a 2 ans par 8 joueurs professionnels et streamers de League of Legends. Amaury est l'un des cofondateurs de Solari. Il supervise avec les autres la bonne marche de ce projet florissant qui compte maintenant plus de 40 employés, 3 web télé et des équipes d'e-sport sur 6 jeux vidéo différents. Il nous fait visiter les studios aux allures de grandes colocations de 350 m². Les emballages de fast-food côtoient des consoles de jeux, des gros ordinateurs et les trophées des différents joueurs. Battlegrounds en avant-première. Donc c'est plus ou moins la bêta. En gros, on a tout un espace côté gauche, ça va être le coin Hearthstone, où en gros on a un PC directement où il stream, c'est parti sur le jeu Hearthstone. Donc c'est juste là sur la gauche. C'est ça, c'est la TV Hearthstone, avec leur studio dans lequel ils font les émissions. Là, les 4 PC et la table à côté, c'est pour leur entraînement avant une compétition. Sur une journée, ils vont streamer de 9h à 2h du matin à peu près. De 9h à 18h, ils vont faire du stream simple où ils s'alternent, comme là ils sont en train de faire justement. Ils s'alternent, ils ont des créneaux de 2-3 heures. Donc là, il y a Vince qui reprend la place de 10 des mois. Et souvent, à l'heure de prime time, un peu comme à la radio, à la télévision, des horaires à partir de 17h, on va dire, on passe en plateau, donc où on peut avoir des émissions un peu plus poussées, plus qualitatives. Nous, on diffuse les tournois qui sont mis en place par les éditeurs et on a en plus nos joueurs maintenant qui sont dedans. Donc, Pourquoi le choix de tonneaux, de bois derrière, de caisses en bois derrière, un canapé en cuir? Est-ce que vous avez choisi comment le décor? En gros, tout est adapté selon le thème du jeu. Hearthstone, c'est autour du côté taverne. Donc il y a ce côté taverne, etc. Donc on reprend un petit peu des images du jeu. On a des goodies en rapport avec le jeu, des petites statuettes, etc. Et ça permet de rester un peu dans l'ambiance en rapport avec le jeu, sans être non plus jeu vidéo classique où on a l'habitude d'avoir le gros néon bleu, etc. On laisse faire un truc un peu plus posé, cosy, etc. pour le live, quoi. Donc là, on est juste derrière le poste de streamer Hearthstone, donc ça veut dire que tous les viewers, ouais, spectateurs nous voient en train d'enregistrer. C'est exactement ça en direct. C'est ça. Alors, la base d'un TCG... C'est quoi TCG? Ouais. TCG, c'est Trading Card Game. C'est des jeux de cartes où on va échanger les cartes et jouer avec les cartes. C'est pas juste un jeu de cartes comme le poker, par exemple. Hearthstone, le concept est, on démarre avec un paquet de 30 cartes, 30 cartes qu'on a sélectionnées au préalable. Le but avec ces 30 cartes, ça va être de battre les 30 cartes de l'adversaire en posant des créatures sur le terrain et en lançant des sorts pour vaincre les créatures adverses. Et le concept est tout simplement de prendre le contrôle du plateau de jeu pour vaincre l'adversaire. C'est assez proche d'un jeu de plateau dans l'idée, en fait, pour faire une analogie simple. Et il va être dans les temps et il a que 2 kills. Hein. Odemian, on s'est encore jamais rencontré. C'est la première fois qu'on se rencontre et pourtant j'ai vraiment l'impression de te connaître parce que ça fait 2 ans et demi que je te suis dans tes aventures sur Twitch. Si tu m'autorises, je te tutoie. Mais est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, parce que tu t'appelles pas Odemian en vrai. Oui, je suis Alexandre Ledley. Donc je suis actuellement joueur de Hearthstone pour Solari. Je viens d'un passé, on va dire, très très classique. En fait, j'ai fait une prépa à école de commerce, j'ai fait une école de commerce à Nantes. Je jouais aux jeux vidéo pendant toute ma scolarité et ensuite pendant mes études. Et ça m'a mené, on va dire, à bifurquer à un moment à partir de mes études très classiques pour aller vers le jeu vidéo. Oh, oh, oh, quel plaisir de vous revoir. Tu es passé par Melty. Après, tu étais dans une équipe qui s'appelait Arma Team, qui était aussi une web télé. Puis tu es aujourd'hui chez Solari. Tout ça en l'espace de 4 ans. Est-ce que c'est un milieu qui est instable pour un joueur? Contrairement aux apparences, j'ai peut-être été une des personnes des plus stables dans l'esport français. C'est-à-dire seulement 4 équipes en 4 ans. C'est pas énorme au final, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font une équipe tous les 3 ou 6 mois. Surtout à l'époque où j'ai commencé. En 2014-2015, il y avait vraiment des gens qui faisaient des changements d'équipe tous les 3 mois, quoi. Ça se stabilise petit à petit parce qu'on commence à avoir les outils juridiques et les personnes au gouvernement qui s'y intéressent, mais c'est encore à petits pas, quoi. Aujourd'hui, tu as quel statut ? Alors moi, aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur. Donc je suis producteur de contenu audiovisuel, pour être précis. Mais ça correspond assez bien à ce que je fais, finalement. Donc on n'est pas contractuellement lié à Solari, justement, donc on travaille en tant qu'indépendant avec eux, mais ça nous empêche pas de temps en temps d'aller faire une prestation externe. C'est un entre guillemets un travail que beaucoup de gens auraient envie de faire, et donc quand tu es dedans, t'es obligé de donner beaucoup de travail, en fait, pour rester au centre de ce milieu là et donc ce qui se passe, c'est que nous, on n'hésite pas à travailler 70 ou 80 heures par semaine, tous autant qu'on est. En dehors du stream, moi qui représente entre 35 et 40 heures par semaine, juste la télé, ça fait aussi beaucoup d'heures en dehors pour tout le côté, juste le côté financier. Et en plus de ça, nous, on a une double casquette compétitive. Donc en plus de ça, il faut qu'on arrive à intégrer les entraînements pour le côté compétitif de notre travail dans tout ça. Donc ça peut faire des semaines avec pas mal d'heures, ouais, parfois. Est-ce qu'on peut demander combien tu gagnes à peu près ou... Oui, bien sûr. Il faut voir que c'est très fluctuant, c'est-à-dire que c'est dépendant de beaucoup de facteurs. Une des choses qui va nous payer, c'est la publicité sur Twitch. Et la publicité sur Twitch, elle est dépendante des mois. Par exemple, les mois avant Noël, bah, fatalement, il y a plus de publicité. Il y a les abonnés. Pareil, ça c'est fluctuant. Par exemple, on va avoir plus d'abonnés quand il y a du nouveau contenu qui va arriver, donc il y aura plus de spectateurs qui seront là. Chaque abonné nous rapporte une petite quantité d'argent, mais au fur et à mesure ça représente quand même une bonne portion de nos revenus. Et après il y a une troisième part qui sont les OP, tout ce qui est marketing, en fait. On va être contacté par des marques pour être à l'avant de leur marketing. Donc on peut avoir des mois à 1 500 euros, comme si on a beaucoup beaucoup dopé et des choses comme ça, on peut avoir des mois à 6 000 à 7 000 euros. Je dirais que moi, en moyenne actuellement, depuis que je suis chez Solary, je dois être aux alentours de 2006 2007, sachant qu'après derrière il y a toutes les charges sur l'emploi, etc. Donc en net, aux alentours de 2100 2200, quelque chose comme ça. Hey, salut tout le monde. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, une bonne matinée avec Tars, comme d'habitude, hein, bien entendu. On va tester, ce matin, on va tester Guerrier Highlander. Voilà, c'était le truc que je voulais tester aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de le tester ce week-end parce que je faisais des Open Cup. Mais j'avais pas envie vraiment de first time un deck en Open. Mais voilà, on est parti. Et quand on continue un peu, on passe derrière les caméras encore une fois en direct. Et là, en fait, on a le côté scrim, donc en gros, c'est la partie entraînement. Donc là, on a par exemple Sam qui est avec un de nos joueurs en train d'analyser une partie des Worlds. Ils sont en train d'analyser les joueurs pro-coréens en train de jouer, et en train de montrer, bah, eux, ils jouent comme ça, regarde, ça peut être intéressant, tel personnage, etc. Ils font ce chemin sur la carte. Voilà. En gros, ils essaient d'analyser un peu bah, comment ça se passe à très très haut niveau, et voir comment eux, ils peuvent apprendre de ça, en fait, exactement. Quoi. Il a farm rien du tout, nulle part, il a volé un camp. On a ici 350 m² et ça vous a pas suffi, vous avez encore commencé un autre, à installer un autre bâtiment juste à côté, c'est ça? Ouais, bon, en fait on a été obligé avec les Fortnite par exemple, qui ont des grosses compétitions, c'était tout là cet été, ils ont besoin de s'entraîner dans un endroit un peu plus calme, et en fait avoir les 3 TV au même endroit, chacun stream, du coup ça crée un petit peu, ça parle. Ils ont besoin des fois de pouvoir s'entraîner plus facilement, donc ils ont vraiment un espace à eux de l'autre côté. Et à côté, on a développé aussi le hangar où il y a la boutique qui est internalisée maintenant. On reçoit tous les colis là-bas. Non mais tu peux jump out. Oh, cette équipe, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On avait free Nash. Bon. Il avait juste à taper le Nash, le Cassandra il pouvait rien faire, si Dashin il se fait attack par bombe, il se fait OS. Et non, ça jump out, ici il ne kick pas. Wow. Amaury, vous dites que Solary aujourd'hui a 40 employés, 3 web TV qui marchent 24h sur 24 sur internet, des équipes de e-sport dans différents jeux, Trackmania, Super Smash Bros, Hearthstone, League of Legends, Fortnite. J'en oublie sûrement. Comment vous faites rentrer des sous pour financer tout ça? On stream sur Twitch, il y a tout un système de publicité, d'abonnement. Le système d'abonnement, ça correspond un petit peu en comparaison à Netflix, on va dire. Bon, c'est quand même beaucoup moins cher, ça revient à 5€ par mois à peu près. Actuellement, on en est à peu près à 10 000, 12 000 sur les 3 TV, ça dépend des mois, en fait, les abonnements changent, etc. Et ça, c'est un des gros revenus de la télévision. Après il y a tout un système publicitaire directement dans Twitch, donc quand, comme à la télévision, quand vous regardez une émission, il y a des pauses, un joueur va jouer par exemple pendant 2 heures, il va aller boire un verre d'eau, il va lancer une publicité, donc il y a une publicité que Twitch gère directement, et après derrière nous on a nos sponsors directement, vu qu'on a une audience, on a un média, et c'est grâce à ces sponsors là qu'on peut faire des projets derrière, ils nous donnent de l'argent pour leur visibilité à côté, on essaie de faire des projets qui peuvent être intéressants pour nous et pour eux. Par exemple, on a fait un des plus gros projets qu'on a fait, c'est en Corée. On est parti pendant 2 semaines en Corée, essayer de montrer aux gens qui nous suivent comment est l'e-sport là-bas. La Corée, c'est le pays de l'e-sport. Ça fait 15 ans que ça existe là-bas, c'est hyper développé. Et montrer, on avait un sac, par exemple, un backpack qu'on appelle, qui nous permet d'être en live directement sur place, de filmer tout ce qu'on fait. Donc on a réussi à montrer l'ambiance sur place, montrer comment les gens vivent sur place, et aussi de jouer directement sur les serveurs coréens, qui sont différents des serveurs européens, où là-bas le niveau est très très très élevé, et nos joueurs, justement streamers, ont découvert ça, et ont découvert en même temps que notre audience. On a fait des énormes pics d'audience à 20 000, 30 000 sur place, ça a très très bien marché. Souvent quand on parle d'e-sport, on pense aux joueurs pros qui font des compétitions, etc. Vous avez une vision de l'e-sport beaucoup plus ouverte et qui allie vraiment le streaming, être en live sur internet et les compétitions de e-sport. Est-ce que pour vous c'est parce qu'il n'y a pas d'économie dans l'e-sport seulement? En gros, à notre niveau, on peut se permettre ça. Par exemple, pour avoir une team en LEC actuellement, il y a une entrée environ à 10 millions de dollars. Et oui, il y a un côté où il n'y a que 10 équipes actuellement. Si nous, on veut rentrer dedans, il faudra qu'une équipe vende son emplacement. Parce que nous, on est en mode, pour pour nous, c'est un peu une perte d'argent, entre guillemets, parce que même si on va en LEC, on gagne une LEC ou autre, on n'a pas vraiment de retour sur investissement directement. Donc pour entrer en ligue professionnelle européenne de League of Legends, il faut payer 10 millions d'euros à l'entrée. En gros, ça a été franchisé depuis 2 ans à peu près. Après, il y a énormément d'argent qui rentre dedans, c'est pour payer les joueurs au quotidien, il y a un mercato qui se met en place. On rentre vraiment dans un système professionnel comme au foot. On a déjà eu des demandes de gens qui voulaient nous envoyer là-bas, par exemple, donc avec des levées de fonds ou autre. On s'est dit, bah non, en fait, on n'a pas envie de partir à fond là-dedans. Imaginons, ça marche pas. C'est des sommes tellement énormes que ça pourrait nuire à tout le reste qu'on a déjà monté. Donc on préfère prendre notre temps et voir peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans ou autre, déjà bien stabiliser nos projets et ne pas griller tous les projets qu'on a montés actuellement juste pour avoir une équipe à très haut niveau. J'aimerais savoir pourquoi mon chasseur reste à l'arrière en mode « Je vais pas trop avancer, comme ça en cas de danger c'est l'assistante qui sera aux premières loges ». Right. Cet art de la communication. Pourquoi elle court toujours vers la mort, l'assistante? Ah! Je l'ai vu, le Valfort. Eh bien, parce que la vie est peut-être trop longue. Un pompon? C'est un très gros popo, ça aussi. Je m'y connais en popo. Oh mon dieu! Oh oui, c'est vrai que c'est lui d'abord. Oh non! Oh, je l'avais oublié, lui. J'aime beaucoup comme les deux nagent dans la neige tranquillou. Surtout lui. Oh non, pas lui. Genre, t'as déjà Iceborne. Je crois que vous montrez les 3 premières heures. Fais-lui des gratouilles. Non, je vais lui mettre un coup d'épée dans le nez, je pense. Ou dans la corde, ou dans l'œil. Les 3 en même temps, tu vois. Est-ce que Nat Ali, donc le pseudo tel que votre pseudo tel que vous l'écrivez, donc NAT'ALI, c'est vous ou c'est un personnage que vous créez justement pour Twitch et pour le streaming? Personnellement, en tout cas, j'essaye toujours de rappeler aux gens que effectivement Nathalie, c'est un personnage, parce que même si je montre beaucoup de choses en stream qui sont vraies, qui sont vraiment de moi et tout ça, il y a forcément un moment où c'est mis en avant et c'est amélioré. Je veux dire, je montre que ce que je veux finalement en stream. Je vais pas montrer les moments de ma vie qui sont peut-être un peu tristes ou qui sont peut-être un peu ridicules, par exemple. Alors que pourtant, ça fait aussi partie de moi et ça me définit aussi peut-être. Et du coup, voilà, genre pour moi, c'est vraiment capital de retenir qu'effectivement, c'est un personnage. Et les gens qui m'envoient, ça m'est arrivé. Hein, j'ai eu des spectateurs, donc et bonjour à ceux qui arrivent. J'ai eu des spectateurs qui m'envoyaient des messages privés pour me dire, oh mais tu sais, je te connais, t'as l'air d'être un peu comme ça, ou alors j'aimerais beaucoup apprendre à faire ta connaissance parce que le peu que j'ai vu de toi me plaît beaucoup. Et à chaque fois, je dois leur rappeler, vous ne me connaissez pas du tout, vous connaissez Nathalie, qui est une streameuse et qui est vraiment différente de ce que vous imaginez, quoi. Mes spectateurs ne pourront pas devenir mes amis, parce que pour moi, il y a un rapport de force qui n'est pas égal de base. Enfin, c'est pas forcément le gars tout le temps, mais il y a une espèce d'adoration qui se fait, ou en tout cas d'embellissement de la personne, et du coup on se met à voir la personne un peu trop en mode oh là là, si elle me demande quelque chose j'ai pas envie de dire non, ou des choses comme ça. Et c'est pas des rapports que je trouve très sains pour bâtir une amitié. Le fait qu'on soit sur internet et que du coup il y a une notion d'anonymat, pas pour nous mais pour les gens qui nous regardent, ça fait qu'effectivement on peut avoir des trucs très très violents mais complètement gratuits. Enfin moi par exemple, le pire que je peux prendre en termes de violence pour l'instant, c'est des gens dans le chat qui vont écrire oh là là, qu'est-ce qu'elle est moche, qu'est-ce qu'elle est chiante, qu'est-ce qu'elle est pas gentille, tout ça. Ça peut aller jusqu'à m'insulter. Le pire du pire, c'est des gens qui vont essayer de chercher des informations sur moi pour les utiliser, pour me harceler sur mon compte Twitter ou des trucs comme ça. C'est déjà arrivé. Sur Internet, le fait qu'on ait de l'anonymat, ça fait que les gens, et surtout les jeunes en général, se sentent très très libres de dire tout et n'importe quoi, et des fois allant jusqu'à faire exprès de dire des méchancetés pour le plaisir d'énerver la personne, pour le plaisir de la voir réagir en direct au final. Et malheureusement, cette violence, on la prend des fois un peu x2 quand on est effectivement une femme ou qu'on appartient à une minorité. Quand on peut être noir, on peut être gros, peu importe en fait. Le moindre petit détail sera une bonne excuse à utiliser contre nous, parce que justement, il y a cet aspect faire exprès de dire quelque chose qu'on sait que ça va être mal pris. Il y a cet aspect, bah des fois c'est des gens qui le pensent vraiment, en mode, je sais pas moi, ah bah oui, t'es nul aux jeux vidéo, retourne dans la cuisine, enfin des violences sexistes, j'en ai eu tellement qu'honnêtement je les compte plus. J'ai pas le droit de juste être une femme des fois sur Twitch qui joue aux jeux vidéo. Il faut qu'on me rappelle que je suis une femme plus ou moins séduisante, plus ou moins intelligente, plus ou moins forte. Voilà, donc c'est... voilà, c'est malheureusement, c'est en direct à ce moment-là dans le chat, quelqu'un qui se sent obligé de préciser, mais non, tu es belle, Nat, c'est très gentil, mais je m'en fiche. C'est sûr qu'en étant une femme, parce qu'on est une minorité hein, dans la communauté des joueurs... Kayane, joueuse professionnelle de jeux vidéo de combat. Eh ben, c'est ultra blessant, et des fois, il y en a qui arrêtent, qui ne veulent pas subir ça. On a eu des joueuses d'Overwatch, même de Smash Bros, de Street Fighter, de vraiment tout type de jeux, en fait, qui, parce qu'elles étaient douées, se faisaient harceler. Mais je souhaite vraiment que des plateformes comme Twitch et YouTube arrivent à modérer ça, à même censurer des mots, des insultes naturellement incrustées dans leur logiciel. Est-ce que parfois vous avez l'impression d'être instrumentalisée en tant que femme joueuse dans les politiques de développement de la mixité dans l'e-sport ? Mon cas est assez particulier et je ne veux pas que ce soit une excuse pour justifier tout un tas de comportements sexistes et tout. Moi, je viens d'un jeu de combat, c'est du 1 contre 1. Quand je participe à un tournoi, je n'ai pas besoin de faire équipe avec qui que ce soit. Et les problèmes qui arrivent sur certains jeux d'équipe, comme Counter-Strike, Call of Duty, League of Legends, c'est que des femmes veulent faire équipe avec d'autres joueurs et qu'il y a plein de joueurs, en fait, juste parce que ce sont des femmes, n'ont pas envie de faire équipe ou même de leur laisser une chance de prouver leur niveau. Elles veulent faire partie d'une équipe mixte, mais comme elles ne trouvent pas de coéquipiers, elles se retrouvent à faire des équipes féminines avec des joueuses qui sont dans le même problème. Et après, les joueurs reprochent ce truc-là, alors que c'est eux la source du problème, en fait. Donc j'ai vraiment cette chance, moi, de ne pas avoir à faire face à ça. Mais c'est fuir le problème que dire c'est Kayane, elle y arrive, alors vous pouvez toutes y arriver. Non, parce qu'on ne vit pas toutes la même chose dans ce milieu-là, on ne joue pas toutes au même jeu. On n'a pas la même communauté, chaque jeu a une communauté différente. Mais... les organisateurs devraient aussi essayer de proposer des formats pour inciter des équipes mixtes à se former. Donc, généralement, les tournois féminins, enfin, les équipes féminines vont participer qu'aux tournois féminins parce qu'il y a plus de chances de représentation en streaming, de représenter les sponsors, de gagner le cash prize parce que forcément, on se prive de 90% des joueurs qui sont masculins et elles n'ont pas le temps de participer aux tournois mixtes parce que ça se déroule en même temps. Donc c'est difficile et je pense que même dans un format de tournoi, on devrait essayer d'impliquer dans le règlement. On veut des équipes mixtes avec au moins une fille dans l'équipe. Je pense que ce serait pas mal pour tenter d'ouvrir des équipes à des femmes. Hail. Est-ce que vous voyez un jour, sur une scène comme ça, devant 15 000 personnes qui hurlent, pour justement disputer vos parties et offrir du beau spectacle ? Alors ça, c'est un très très beau rêve. Malheureusement, je pense que ça ne sera pas pour moi. Mais j'ai foi qu'une fille pourra atteindre ce niveau un jour. Lucie Schwindlein. Fin 2018, Women in Games a lancé un incubateur e-sport. Pourquoi c'est si important, justement, de défendre une présence féminine plus grande dans les milieux de l'e-sport ? Parce que malheureusement, en fait, il y a encore beaucoup de femmes qui n'osent pas. Dernièrement, il y a une femme qui a gagné le tournoi d'Hearthstone. Donc on voit bien qu'il y a des femmes qui gagnent au niveau mondial. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez qui sont poussées vers ça, pour plusieurs raisons. Comme c'est un milieu déjà très masculin, on peut se dire, moi, j'ai pas ma place. Est-ce que je vais m'y sentir acceptée ? Est-ce qu'on va m'accepter ? Et des fois, c'est vrai que ça peut arriver à certaines femmes de pas se faire accepter. Après, en grande majorité, nous, quand on a discuté avec les acteurs français de l'e-sport, il n'y avait pas trop de soucis à ce niveau-là. Ils étaient plutôt accueillants, ouverts à avoir des femmes dans leurs équipes. Pas tous, bien sûr, il y a encore du travail à faire, mais de manière générale, ils étaient quand même positifs à cette idée de mixité. Mais aussi, le problème qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu à un moment cette idée de faire un peu comme dans le sport, des équipes féminines, des équipes masculines d'un côté, de pas trop se mélanger. Est-ce qu'il faut des quotas pour pousser justement les acteurs à être peut-être un peu plus proactifs en recrutant des joueuses? En fait, nous, on n'est pas trop dans cette idée de quota spécialement, parce que on va pas se le cacher du fait que les femmes n'ont pas été poussées à la compétition, qu'il y a eu déjà beaucoup de barrières. Il y a peut-être quand même encore un manque de niveau. C'est le but de l'incubateur, de toute façon, d'élever le niveau de certaines femmes, filles, et ensuite de les intégrer une fois qu'elles ont atteint un bon niveau. Donc voilà. Et nous, c'est vrai que c'est intéressant. De pousser un petit peu du côté amateur et après de pousser du côté un peu plus semi-pro-pro avec cet incubateur-là donc pour essayer de les intégrer dans des équipes mixtes. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui seraient capables de tenir la pression infligée par les G2 eSports dans ce style et par le Pike des G2. Et Funkus Phoenix, j'ai l'impression que c'était peut-être une balade, les calls étaient bons. Lopo, ça s'est pas très bien passé dans cette première manche pour G2. Non, ouverture du score en faveur de l'équipe chinoise, des Funkus Phoenix. Bon, c'est le scénario auquel je m'attendais, j'avais pronostiqué une victoire 3-1. Maintenant, c'est 3-0, ou alors ça va être très chaud. Quelles erreurs ont fait G2 dans cette partie? J'ai l'impression qu'APX était l'équipe chinoise très agressive et tout de suite allée... En fait, le plan de jeu de G2 reposait énormément sur leur top laner, donc sur leur joueur de la voie du haut, qui a malheureusement fait beaucoup d'erreurs pendant l'early game, qui ont coûté très très cher par la suite. Et derrière, on a une équipe chinoise FPX qui a été très solide sur les rotations, très entreprenante, très agressive. Et ces deux équipes ne sont pas arrivées en finale par hasard. Sincèrement, je pense qu'on va avoir un très très beau BO. Que vos mains vous fassent mal à la fin de cette journée. N'oubliez pas, donnez tout. Kaine, comment a évolué depuis que vous jouez à un niveau compétitif la représentation de l'e-sport et des joueurs et joueuses professionnelles? En France, on arrive à vraiment avancer dans ce milieu-là. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, les politiques ne s'intéressaient pas du tout aux jeux vidéo. On n'avait pas de statut social, ni professionnel d'ailleurs. Et quand on voulait être joueur pro, il y a encore 5 ans, on n'avait que le statut d'auto-entrepreneur pour le devenir. Mais depuis peu, peut-être 3 ans, un statut de joueur professionnel s'est mis en place. Et ça, c'était inespéré. C'est quelque chose qui fait que on a un vrai statut maintenant. Même si il n'est pas assez adapté pour l'instant par rapport à la réalité du circuit, parce que c'est un an minimum en CDD. Sauf qu'une saison, ça dure moins d'un an. Et généralement, on ne sponsorise pas un sportif pour un an et demi parce que ça dépend vraiment de la saison. Mais c'est déjà un bon début, je pense. On a eu des discours de ministres qui sont venus lors de la Paris Games Week pour expliquer en quoi l'e-sport était important. Paris, c'est une des villes qui accueille le plus de joueurs e-sportifs. Donc on peut dire qu'en France, on a un très bon public pour être spectateur ou joueur d'e-sport. Et les marques et l'État s'en rendent compte de plus en plus. Donc je pense qu'on est en bonne voie pour être un des pays qui accueille le plus l'e-sport et qui aidera le mieux ces e-sportifs. Amaury, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire ou est-ce que ça y est, les politiques ont compris ce qu'était l'e-sport? Ça ne s'est pas vraiment développé au point où nous, on n'utilise même pas ce système-là en fait, car c'est vraiment pas pratique au quotidien. Il y a très peu d'équipes qui le font actuellement. Mais on a déjà eu pas mal de réunions avec eux, etc. Comprennent comment ça marche, ils n'ont pas encore toutes les problématiques, mais ça va prendre du temps, c'est sûr. Et surtout, là, je pense que c'est vraiment Fortnite qui a mis un gros coup dans la mare, on va dire. Par exemple, le champion du monde Fortnite, il y a 16 ans, c'est un Américain, il a gagné 3 millions de dollars du jour au lendemain, vie complètement changée, etc. Et ça, c'est aux États-Unis, mais en France, pareil, on a pas mal de joueurs qui ont eu ça. la nouvelle génération joue depuis qu'ils ont 6 ans. Donc quand ils arrivent à 12, 13 ans, ils commencent déjà à être bons à un jeu, et à 16 ans, 17 ans, ils commencent à être très très bons. Et c'est cette nouvelle génération-là qui va devenir très fort dans les prochaines années. Donc il faut réussir à accompagner aussi ce côté école et e-sport, et pas que ça devienne, comme on dit, des no-life, à jouer tout le temps aux jeux vidéo, et derrière, bah, ils n'ont pas été recrutés, ou c'est pas parti, ils n'ont pas réussi à avoir une carrière, bah, ils se retrouvent dans la vie en mode, bon, je fais quoi maintenant? C'est un peu compliqué, quoi. Amaury, le milieu est nouveau, les joueurs sont aussi souvent très jeunes. Je pense à Hunter qui a 19 ans, je crois, mais les autres ont en général pas plus de 30 ans, si je ne me trompe pas. Comment on fait au quotidien pour gérer une équipe de jeunes qui jouent aux jeux vidéo toute la journée? Ce qui est marrant, c'est que chez nous, en fait, on a pas mal de profils de gens qui ont pas mal de travail en amont. Par exemple, tu parles de Hunter, il était carrossier juste avant, au moment où on l'a embauché. En gros, il était encore en carrosserie et du coup, il a dû faire un préavis pour venir, etc. Et du coup, il a cette notion de... j'ai travaillé avant, je sais ce que c'est, et actuellement on gagne beaucoup mieux sa vie grâce au streaming, grâce aux compétitions sur Fortnite. On essaie aussi de leur faire comprendre que c'est le moment où ils sont très très forts au jeu, donc c'est le moment où ils doivent bosser. S'ils arrêtent de bosser maintenant, il y aura un petit 16 ans, ceux-là vont vieillir. Par exemple, Hunter vient d'avoir 20 ans aujourd'hui, ça va faire 2 ans maintenant quasiment qu'il est chez nous. Il avait 18 ans qu'il arrivait, il est encore à très bon niveau, mais rien n'empêche qu'il y ait un petit 16 ans aujourd'hui qui est peut-être meilleur que lui. Donc il faut vraiment bosser, on les force un peu là-dessus, bosser sur leur jeu directement, mais aussi derrière leurs réseaux sociaux, leur YouTube, toute leur vie qui peut être courte. C'est vrai que du jour au lendemain, ils peuvent aussi disparaître. Une fin de carrière, on n'a pas encore vraiment nous dans notre milieu pour l'instant. Par exemple, Airbox, c'est la personne qui était la plus vieille de la Coupe du Monde Fortnite. Il a 24 ans. C'était le plus vieux de toute la compétition. Quoi. Donc, au niveau des constructions, ça va être compliqué pour qu'il n'y reste plus que 5 buts. J'espère qu'il a vu. Parce que c'est maintenant que la qualification peut jouer pour qui? Ninty, Airwax et Nikov. C'est tout le monde, les 4 Solari qui jouent leur qualification, les amis. Est-ce qu'on peut dire que les 4 Solari... Ah là là, oui. Kayane, vous avez aujourd'hui 28 ans, vous êtes encore joueuse pro. Est-ce qu'il y a un moment où on devient trop âgé comme joueur? On sait notamment les jeux de VS Fighting, les jeux de combat demandent beaucoup de réflexes. Est-ce qu'il y a un moment où on se sent dépassé? C'est une bonne question, moi qui approche de la trentaine et qui me dis « Oh là là, je vais me faire dépasser par la jeunesse ». En fait, quand je vois les joueurs japonais, je me dis que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'années devant moi encore. Quand je vois encore Daigo qui approche de la quarantaine, Daigo qui est vraiment le joueur de Street Fighter le plus connu au monde, il gagne encore, il fait des gros tournois, mais il a l'expérience vraiment pour lui. Parce que même s'il fait face à un jeune joueur qui a tout autant de réflexes que lui, même beaucoup plus, c'est le sensei, hein, c'est vraiment celui qui a tout à enseigner aux autres. Donc il a tout le savoir et ça c'est bien parce que c'est quelque chose qu'on a vraiment dans les jeux de combat. C'est sûr qu'il y a d'autres jeux où ça nécessite vraiment plus de réflexes encore. Mais nous, on a heureusement l'expérience qui permet de rattraper. Quand on est joueuse professionnelle comme vous, on décide de jouer sur un certain nombre de jeux. Vous jouez notamment à Soul Calibur, vous l'avez dit, vous jouez aussi à Tekken et à Street Fighter, et encore d'autres que j'oublie probablement. Comment on fait pour ne pas être trop dépendant d'un jeu en particulier? Parce que si la scène e-sportive de ce jeu s'arrête, ça peut arriver, on peut se retrouver le bec dans l'eau avec plus de gagne-pain. Alors, on a eu le cas pour Blizzard, parce que Blizzard, c'est eux qui font tous les jeux World of Warcraft, Starcraft, Heroes of the Storm, Hearthstone. C'est des jeux très populaires auprès de la communauté. Blizzard est un éditeur qui est là depuis très longtemps. Et à la BlizzCon, lors de leur convention l'année dernière, il me semble, ils avaient annoncé que le circuit d'Heroes of the Storm, un de leurs jeux de prédilection, allait avoir une autre année d'e-sport. Et en fait, tous les joueurs professionnels, tous les commentateurs, organisateurs étaient contents de cette nouvelle et se sont vus continuer leur carrière pendant au moins un an. Sauf qu'en cours de route, ils ont changé leur stratégie, ils ont licencié beaucoup de monde et surtout, ils ont revu leur stratégie e-sport et personne ne l'a vu venir. Et le lendemain, ils ont dit, en fait, on ne va pas faire de saison de plus sur ce jeu. Et ça a été une grosse désillusion, une grosse baffe pour tous ces joueurs qui se voyaient un an de plus sur ce jeu. Pour tous les commentateurs aussi, parce qu'ils prévoyaient leur agenda en fonction de ça. Ils n'avaient pas d'autre boulot à côté. Et là, on leur annonce comme ça que tout s'arrête. Et eux sont spécialisés sur ce jeu. Ils ne peuvent pas se reconvertir comme ça. Donc dans ce cas-là, c'est vraiment très dangereux, en effet, de dépendre d'un éditeur comme ça qui peut arrêter tout du jour au lendemain. Mais nous, on a ce côté où Fortnite marche très bien actuellement. Il y a des compétitions en place, etc. Demain, le jeu ne marche plus. On ira sur un autre jeu. Il y aura quelqu'un d'autre qui sera là, en fait. Et c'est ce qui se passe actuellement. Là, en gros, il y a Riot, donc, qui gère League of Legends, qui ont annoncé pas mal de jeux là sur leurs 10 ans. Il y a Epic Games aussi à côté qui est en train de développer Epic Games et Fortnite, la société qui gère Fortnite. Il y a Blizzard, nous, avec qui on bosse aussi à côté pour Hearthstone. Et tous ces milieux-là développent des jeux un petit peu partout. Et c'est en mode, il y en a un qui marche plus, on rebondira sur un autre directement. Et on a cette chance-là d'être dans le streaming, de pas avoir juste un joueur pro sur un jeu, le jeu disparaît, notre joueur, on en fait quoi? Non, nous, on prend un joueur pro sur un jeu, mais à côté du streaming, il marche plus, on arrive à faire développer la personne et la personnalité, il devient, entre guillemets, influenceur. Pas trop ce terme-là, mais il draine une audience, etc. Et si demain il marche plus sur ce jeu-là, rien n'empêche qu'il parte sur un autre jeu. S'il est déjà très bon, il a des capacités dans un jeu, il peut rebondir sur autre chose directement. Par exemple, j'ai un profil de Airwax, qui est un joueur pro sur Fortnite. C'est un ancien joueur pro sur League of Legends, donc il était en LEC, donc dans une équipe très pro, etc. Il a un peu marre du jeu, ça l'a lassé. Il a découvert Fortnite, il s'y est mis. Il est considéré dans les meilleurs joueurs français actuellement. Et même, peut-être que derrière, il peut arrêter le jeu vidéo et devenir manager d'une équipe. Là, c'est très jeune encore pour l'instant. Et on ne sait pas comment ça se passait dans 20-30 ans. Donc en gros, je pense dans 20-30 ans, les joueurs pros d'aujourd'hui connaissent énormément comment marche le système et d'ailleurs vont pouvoir peut-être lancer leur franchise aussi. C'est aussi la chance qu'on a dans ce milieu qui est nouveau. On ne sait pas trop vers où on va aller directement. On n'a pas de sécurité en soi du métier. La cotisation pour tout ce qui est retraite et tout ça, c'est très compliqué aussi. Parce que voilà, auto-entrepreneur, ça dépend des revenus qu'on a. C'est un stress permanent, en fait, de ne pas savoir si on va pouvoir payer son loyer le mois prochain. Et c'est quelque chose qui a fait lâcher beaucoup de gens que je connais. En mode, j'en avais marre de juste pas être sûr. Il y a tellement de gens qu'on est un peu noyé dans la masse. Et c'est un peu genre passer à la postérité ou se faire complètement oublier, quoi. En fait... Il y aura toujours des streamers, j'en suis sûre. Maintenant qu'Internet est arrivé dans nos vies, je pense qu'il y aura toujours un peu cet aspect je fais des vidéos où je suis en direct et des gens regardent. Après, en fait, je pense que ce qui va être très important, c'est la façon dont les sites qui gèrent ça vont se comporter. Parce qu'en fonction de ce qui va se passer, il y a peut-être des lois qui vont être imposées sur les grosses entreprises comme Twitch et qui, du coup, vont les empêcher de faire des choses ou les obliger à faire des choses qui vont peut-être revoir le métier. Il y a beaucoup aussi d'incertitudes en termes de légalisation du métier de streamer. En général, quand je vais voir les impôts et que je leur dis mon métier, ils sont perdus. Ils disent « Streamer, qu'est-ce que c'est ?» Donc quand je veux avoir de l'aide, c'est très compliqué parce qu'ils savent pas comment m'aider, ils savent pas ce que je fais. D'un autre point de vue légal, mais... Par rapport à Twitch, cette fois, les impositions qu'on a quand on signe un contrat avec Twitch pour être officiellement partenaire Twitch, donc avoir le droit de gagner de l'argent grâce à eux, les règles du contrat sont un peu... bizarre, on va dire, pour rester vague. Et il y a des choses qui peut-être ne passeraient pas du tout avec la loi française, parce que c'est un contrat qui à la base est prévu aux États-Unis, par exemple. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de flou encore de partout. Le fait d'être un streamer, c'est très individuel. On arrive, on crée son compte Twitch, on lance sa chaîne et c'est bon. Il y en a qui veulent faire ça de manière beaucoup plus pro, le plus pro possible. Et en fait, donc, il y a plusieurs personnes qui se réunissent, des régisseurs, des caméramans, des animateurs et tout ça. Donc des gens dont c'est vraiment le métier, des professionnels, qui décident de eux aussi faire du stream, mais de faire ça de façon plus pro. Et du coup, ils créent ce qu'on appelle des web TV, qui sont donc une espèce de réunion de plein de professionnels qui essayent de gagner leur vie avec ça. Et en fait, on s'est rendu compte que pas mal de web TV commencer à imiter tout simplement la télé. On finit par avoir des émissions qui se lissent de plus en plus pour se rapprocher de ce qu'est la télé. Tout l'intérêt de Twitch, à mes yeux, hein, c'est d'avoir un chat et de pouvoir interagir en direct avec des gens et de pouvoir répondre à leurs questions comme on est en train de le faire, de pouvoir les lire et de pouvoir leur parler. Et c'est ça, en fait, l'intérêt du direct, finalement. Quel est l'intérêt de regarder une émission si on ne peut pas leur parler ? L'intérêt, il y en a un, bien sûr, mais c'est déjà le but de la télé. Et en fait, c'est un peu ce qui est en train de se refaire avec certaines web TV qu'on peut voir en France et dans plein d'autres pays, où en fait, les émissions deviennent énormes, les moyens et les coûts pour investis sont gigantesques, mais au final, on se retrouve avec des émissions de présentation de jeux, des trucs où vraiment les gens sont juste assis et ils parlent. On n'a pas des trucs très expérimentaux, au final, quand il y a beaucoup de moyens qui sont mis derrière. Et c'est ce que je déplore le plus pour l'instant. Glopo, troisième manche, ça se passe pas très bien pour G2. C'est très très chaud là. La situation est plutôt compliquée. On a une équipe FPX qui joue à un niveau qu'on n'a pas vu du tout au long de la compétition. Là, ils sont en train de se transfigurer. Et sincèrement, si G2 venait à s'incliner sur cette troisième partie, je resterais content parce que c'est du très très beau League of Legends que nous a proposé l'équipe chinoise. Et la victoire est amplement méritée. Et ça reste quand même un très très grand jour pour League of Legends. Mais qu'est-ce qui pose problème à G2 ? Je dirais un certain manque de cohésion, un manque d'initiative par rapport au niveau qui est proposé par FunPlus. Et au niveau des stratégies d'équipe qui sont choisies au début des parties, je les sens un peu faibles. Vous avez un peu peur. C'est chaud là. C'était Les Jeux Vidéo, c'est la vie. Avec Glopo, Kayane, Nat Ali, Amaury Védis, Odemian, Hail et Lucie Schwinlein. Réalisation Rafik Zénine, prise de son Martin Troadec, mixage Alain Joubert. Coordination Perrine Kervan avec Marivonne à Bolivier. Merci à l'association Women in Games, à Alex Carrette et à Servan Fischer. Mais surtout, un immense merci à Stéphane Sabre et à France Bleu Touraine pour leur aide précieuse et pour leur accueil. Un documentaire d'Antoine Tricot pour la série documentaire. Double champion du monde. On s'est fait détruire. Aïe, aïe, aïe. Un seul Oscar a été soulevé par tous les joueurs de FunPlus Phoenix. Glopo, c'est fini. Alors, dans le jargon, je crois qu'on appelle ça une déculottée. C'est un 3-0 sec et sans bavure. Respect les Chinois qui ont été vraiment un bon cran au-dessus sur cette finale. Mais c'était du très très beau League of Legends.